pris sur le vif. Écoutez. Allez, lève-toi. Tu vas être en retard. J'ai envie de dormir. Tu n'avais qu'à te coucher plus tôt. Est-ce qu'il faut vraiment que j'aille au lycée? Je t'en prie, ne pose pas de questions idiotes. Dépêche-toi un peu. Ton petit déjeuner est prêt. Répétez. Allez, lève-toi. Tu vas être en retard. J'ai envie de dormir. Tu n'avais qu'à te coucher plus tôt. Est-ce qu'il faut vraiment que j'aille au lycée? Je t'en prie, ne pose pas de questions idiotes. Dépêche-toi un peu. Ton petit déjeuner est prêt. Écoutez. Ici l'ambassade du Liban. Bonjour, monsieur. Mademoiselle, s'il vous plaît, quelles sont les formalités à remplir pour aller au Liban? Il faut un passeport, un visa et être vacciné contre la variole. Comme les cas de variole sont rares, je croyais que la vaccination antivariolique n'était plus obligatoire. En France, oui. Mais il est indispensable de vous faire faire un vaccin contre la variole avant de partir au Liban. Mais j'ai déjà été vacciné quand j'étais enfant. Ce n'est donc pas nécessaire que je m'en fasse refaire un. Si, puisque le vaccin antivariolique est valable 3 ans seulement. Répétez. Ici l'ambassade du Liban. Bonjour, monsieur. Mademoiselle, s'il vous plaît, quelles sont les formalités à remplir pour aller au Liban? Il faut un passeport, un visa et être vacciné contre la variole. Comme les cas de variole sont rares, je croyais que la vaccination antivariolique n'était plus obligatoire. En France, oui, mais il est indispensable de vous faire faire un vaccin contre la variole avant de partir au Liban. Mais j'ai déjà été vacciné quand j'étais enfant. Ce n'est donc pas nécessaire que je m'en fasse refaire un. Si, puisque le vaccin antivariolique est valable 3 ans seulement.